Chapitre 6e, anecdote. Le quatrième jour, le château prit un aspect beaucoup moins lugubre. La fièvre avait quitté Delville, et son médecin lui avait permis de sortir de sa chambre. Il restait encore un peu de toux, et son voyage pour Bristol était résolu. Cécile, sachant qu'il était attendu dans la salle, se hâta d'en sortir dès qu'elle eut achevé son déjeuner. Affectée de sa maladie et affligée de son départ prochain, elle redoutait leur première entrevue. Au bout de quelques minutes, Milady Pemberton courut après elle et la pria de descendre. « Mortimer, s'écria-t-elle, est là-bas. Et le pauvre enfant est si caressé par papa et maman que je crains que leur ridicule tendresse ne finisse par l'étouffer. Je ne conçois pas qu'il puisse avoir tant de patience. S'il me tourmentait seulement la moitié moins, je serais prête à fuir bien loin pour m'en débarrasser. Voulez-vous venir avec moi? Vous verrez une scène très comique. » Vous vous amusez de tout, Milady. Je ne vois pourtant pas qu'il y ait rien de si comique dans l'inquiétude que des parents témoignent pour la santé d'un fils unique. Mon Dieu! Malgré toutes ces apparences, croyez que dans le fond, ils s'en soucient très peu. Ils n'en font tant de cas que parce qu'ils espèrent qu'il vivra assez pour conserver ce vieux château, que je désirerais de tout mon cœur qu'il l'abattît aussitôt qu'ils ne seront plus. Mais je vous en prie, venez. Cela vous réjouira sûrement. Le père ne cesse de sonner pour ordonner qu'on lui commande une cinquantaine de paires de bottes fourrées et qu'on arrête toutes les renagotes de la province. La mère est assise et a l'air aussi contristée que si le cercueil était prêt à passer le pont-levis. Mais l'objet le plus divertissant est Mylord Durford. Oh, il est trop drôle à voir. Il reste dans un coin, pensant uniquement à son défi. Je me propose de l'occuper toute l'après-midi à s'exercer à tirer au blanc. Elle continua de la presser. Et Cécile, craignant que si elle s'obstinait à n'en rien faire, cette résistance ne parut extraordinaire, y consentit enfin. Delville se leva lorsqu'elle entra. Elle le félicita avec assez de fermeté de sa convalescence. Et après avoir repris sa place ordinaire, elle se mit à broder et se mêla à la conversation. Elle observa avec quelque surprise que Delville paraissait beaucoup moins triste qu'avant sa maladie. Peu de temps après, il demanda son cheval et alla se promener. M. Delville prit alors Mylord Ernolf par la main pour lui montrer quelques améliorations qu'il se proposait de faire à l'autre extrémité du château, et Milady Pemberton sortit pour chercher à s'amuser. Madame Delville, de meilleure humeur qu'elle ne l'avait été depuis plusieurs jours, envoya chercher son ouvrage et, s'asseyant auprès de Cécile, s'entretint avec elle comme auparavant, mais elle en instruction à l'agrément, avec une bonté toute particulière, d'une manière si animée et si flatteuse que Cécile prit part à la conversation avec la même satisfaction. Et de cette manière, la meilleure partie de la matinée s'écoula avec assez d'enjouement. Mais au moment qu'ils allaient se séparer, Milady Pemberton arriva en courant de l'air le plus joyeux. « Eh bien, madame, s'écria-t-elle, j'ai quelque chose de nouveau, dont il faut nécessairement que je vous fasse part, parce que cela vous engagera à me croire une autre fois, quoique je sache d'avance que vous en serez fâché. »« Votre but me paraît au moins très louable, » répondit madame Delville en riant. « Eh bien, madame, ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit à Londres que M. Mortimer vivait avec une maîtresse ?»« Oui, » répondit dédaigneusement madame Delville. « Et vous pouvez vous rappeler, milady, que je vous dis à mon tour, « Oh !» Vous ne voulut rien croire. Cela, je vous assure, est pourtant très vrai. Et il l'a fait venir ici. Il y a 3 semaines qu'il l'a envoyé chercher. Il l'a mise en pension dans une chaumière à environ 1/2 mile de l'entrée du parc. Cécile, qui pensa sur le champ à Henriette Belfield, changea plusieurs fois de couleur et se trouva si mal à son aise qu'à peine put-elle se tenir sur sa chaise. Elle s'efforça de continuer son ouvrage, quoiqu'elle ne sût guère ce qu'elle faisait. Madame Delville, de l'air du monde le plus indigné, s'écria « Milady, si vous imaginez qu'une calomnie comme celle-ci ne fasse aucun tort à celle qui la débite, je vous prierai de chercher une autre personne que moi pour l'écouter. »« Eh bien, madame, puisque vous êtes si en colère, je vous conterai toute l'affaire, car je ne vous ai encore rien appris que la moitié. Il a aussi un enfant. Je vous assure que je suis impatiente de le voir. Il en est si épris qu'il passe la moitié de son temps à le caresser. » Et c'est là, je suppose, ce qui l'engage à s'absenter si souvent. Je crois aussi que c'est ce qui le rend si grave. Peut-être pense-t-il que, devenu papa, il ne serait pas décent qu'il fût trop gai. Eh bien, ma chère, lui dit Milady, je suis sûr qu'il est inutile d'envoyer chercher le docteur Leicester, car vous vous rétablissez sans lui en un instant. Vous avez actuellement les plus belles couleurs que j'ai jamais vues. Cela n'est-il pas vrai, madame Delville? Avez-vous jamais vu rougir avec plus de grâce? « Je souhaiterais, milady, repartit madame Delville sévèrement, qu'il fût possible de vous faire rougir. »« Qui, moi? cela ne m'arrivera jamais. Ce n'est pas que cela ne soit joli, et je ne sais pas trop pourquoi je ne suis point dans ce cas. Miss Beverley s'en acquitte au mieux. Elle rougit, elle pâlit et rougit une douzaine de fois en une minute. Surtout, ajouta-t-elle malicieusement en la regardant et baissant la voix, quand on lui parle de Mortimer. Non, en vérité, rien de pareil, s'écria Cécile avec ressentiment, et levant de nouveau la tête. Mais jetant les yeux sur Madame Delville, elle s'aperçut qu'elle la regardait avec un air pénétrant et curieux. Madame Delville sortit et pria Milady de la suivre pour lui apprendre les détails d'une si étrange anecdote. Cécile, abandonnée à elle-même, éprouvait une agitation inexprimable. La conduite mystérieuse de Delville paraissait le résultat de quelque intrigue condamnable. Sans doute il avait séduit la simple Henriette Belfield, et la malheureuse inclination qu'elle aurait voulu pouvoir cacher à elle-même venait dans l'instant de se manifester à la personne à laquelle elle aurait le plus désiré d'en dérober la connaissance. Dans cet état, partagé entre la honte, le regret et le ressentiment qui la rendaient immobile, elle fut tout à coup surprise par l'arrivée de Delville. Elle tressaillit, changea de couleur et se disposa à sortir. Il voulut l'arrêter. « Ah, Miss Beverley, 3 minutes seulement, » lui dit-il. « Non, monsieur, » s'écria-t-elle indignée, « pas un seul instant. » Et le laissant dans le plus grand étonnement, elle se hâta de gagner son appartement. Elle se repentit cependant de sa précipitation. On n'avait rien prouvé clairement contre lui. L'accusation de Milady Pemberton n'était pas croyable. D'ailleurs, il n'avait pris aucun engagement avec elle, qui l'autorisa à témoigner à pareil mécontentement. Mais ses réflexions venaient trop tard. Elle ne parla pendant tout le dîner qu'à Mylord Ernolf, dont la politesse soutenue, se prévalant de sa disposition actuelle, lui sauva l'embarras d'une conversation forcée et lui fournit les moyens de paraître telle qu'elle était ordinairement, c'est-à-dire ni trop taciturne, ni trop enjouée. Elle n'osa pas une seule fois envisager Madame Delville et s'aperçut que son fils avait l'air d'être cruellement fâché. Pendant le reste de la journée, Madame Delville quitta souvent la compagnie et fit demander à plusieurs reprises Milady Pemberton. Elle fut encore plus honnête, plus douce, plus complaisante que jamais avec Cécile, la regardant avec beaucoup de tendresse, lui prenant souvent la main et lui parlant avec une bonté singulière. Cécile remarqua, avec un sentiment mêlé de tristesse et de plaisir, ce redoublement d'attention de sa part. Elle ne pouvait l'attribuer qu'à la découverte occasionnée par les insinuations malignes de Milady Pemberton. Mais si elle se flattait que Madame Delville approuvait ses sentiments pour son fils, elle avait d'autant plus de regrets de se voir obligée d'y renoncer. Delville, qui ne pouvait se dissimuler son mécontentement, ne s'entretint qu'avec les hommes et se retira de très bonne heure. Toute la compagnie s'étant levée, Madame Delville suivit Cécile et renvoya sa femme de chambre pour qu'elle fût en liberté. « Je me flatte, dit-elle, que je ne me rends pas trop souvent ennuyeuse et importune en vous parlant de mon fils. » Je ne crois pas que son caractère ait besoin d'apologie. Vertueux et sans reproche, il s'est toujours soutenu par lui-même. L'accusation de ce matin est cependant d'une nature que je me crois obligé de vous expliquer. Cécile, qui ne concevait pas à quoi pourrait aboutir ce début, ni à quel propos elle entreprenait cette explication, l'écouta avec beaucoup d'émotion et sans l'interrompre. Madame Delville continua donc et lui apprit qu'elle avait voulu s'informer à fond de l'affaire afin de confondre Milady Pemberton, de la convaincre que ce n'était qu'une pure invention de sa part, et remonter à la source des différentes circonstances qui avaient donné lieu à des bruits de cette nature. Il y avait environ 15 jours que Delville, dans une de ses promenades du matin, avait remarqué une bohémienne assise à côté du grand chemin. Elle avait l'air malade et portait sur son dos un assez bel enfant. Frappé de la beauté de ce petit enfant, il s'arrêta pour demander à cette femme à qui il appartenait. Elle lui répondit qu'il était à elle, et se recommanda à sa charité avec les marques les moins équivoques d'une profonde misère. Elle ajouta qu'elle voyageait pour joindre une bande de ses camarades qui se trouvait aux environs de Bath, mais qu'elle avait une fièvre si violente qu'elle craignait de mourir en route. Delville lui dit de gagner la première chaumière et promit de payer sa pension jusqu'à son rétablissement. Il parla ensuite au maître et à la maîtresse pour les engager à les recevoir. Ceux-ci, enchantés de l'obliger, y consentirent sans hésiter. Il y était allé 2 fois pour s'informer de leur état. « Rien de plus simple, » continua Madame Delville, « qu'un pareil incident. Et vous voyez la tournure qu'on est parvenu à lui donner. Ce fait a été compté par les maîtres de la chaumière à nos gens. Il a passé de bouche en bouche, gagnant probablement toujours quelque chose, jusqu'à ce qu'il ait enfin parvenu à la femme de chambre de Milady Pemberton. cette fille l'ayant communiqué à sa maîtresse, il acquit en un moment toute l'importance avec laquelle elle nous l'a rendue. J'espère que, du moins pour quelque temps, elle sera un peu corrigée de son étourderie. Je ne l'ai pas épargnée et lui ai fait conter par Mortimer même toutes les particularités de cette aventure. Après quoi je l'ai conduite à la chaumière, où elles nous ont été confirmées. J'ai voulu ensuite que sa femme de chambre me dise la chose précisément comme elle la lui avait rendue, afin de la convaincre par là que ce que cette dernière omettait était absolument de son invention. Elle en a témoigné pour le moment un peu de ressentiment, mais elle est si étourdie que cela sera bientôt oublié. Et quoique dans ma famille je sois peut-être parvenu à la rendre un peu plus prudente, je crains qu'à l'égard du public en général, elle ne soit absolument incorrigible, parce qu'il ne saurait lui offrir de plaisir capable de compenser la satisfaction qu'elle éprouve en racontant un événement extraordinaire ou une anecdote ridicule. Elle ajouta, « Je ne vous ferai point d'excuse de ces détails, que vous ne devez pas la partialité d'une mère, mais au cas que je fais de la vérité et à mon empressement à rendre à chacun ce qui lui est dû. Mortimer, indépendamment des liens qu'il attache à moi, doit paraître aux yeux de tous les gens sages d'un caractère et d'une conduite exemplaire. La calomnie s'exerçant sur un pareil sujet répand son venin non seulement sur lui, mais encore sur la société en général, puisqu'elle ôte toute confiance dans la vertu et prête de nouvelles armes au scepticisme de la méchanceté. » Après cette conversation, Madame Delville la quitta. « Ah !» dit Cécile en elle-même. « Avec moi du moins le soin de sa réputation n'a nul besoin d'apologie. Généreux Delville, non, jamais je ne douterai de votre mérite. » Et s'applaudissant de cette idée, elle oublia toutes ses peines, ses craintes, ses soupçons, le moment de leur séparation qui s'approchait, et récompensée amplement de tout ce qu'elle avait souffert, par l'assurance et la conviction de son innocence, elle ne tarda pas à s'endormir.